nous va whiner. Mi connais ou aime ça, car fin à folle partie, cela va mettre à l'aise. Mi préfère ça, ou fait plein de mon cœur. Léo Vani, moi n'a pas ni corrigé, ni swingé, swingé ou j'aurais ziné, ziné, bouge de pocho. Quand mon sang c'est le show, à tes yeux c'est le flow, dans mes bras c'est la classe, quand tu me colles c'est ma danse. Sika sika, moi n'a pas ni vous ligué, là da io, comme on dit toujours, c'est le io, tio, pas qu'à mes sous Harry Harry. Niski à Harry, avec toi c'est Sukari, comme on dit toujours, avec toi c'est pour la nuit. Viens nous va whiner, mi connais ou aime ça, car fin à folle party, sola va mettre à wallace. Mi préfère ça, ou fait prendre mon cœur. Viens nous va whiner, mi connais ou aime ça, car fin à folle party, sola va mettre à wallace. Mi préfère ça, ou fait prendre mon cœur. Dans sur place, j'aime trop la classe, suis le mouvement car je mets l'ambiance, faut pas que tu penses. Bouge ton corps, perds pas le son, ce soir c'est le show. Venez danser, danser, jeune demoiselle, ce soir on va bouger. Venez, venez danser, jeune demoiselle, ce soir on va bouger. Tout le monde dans la soirée, ce soir ça va chauffer. Chauffer, chauffer. Viens nous va whiner, mi connais ou aime ça, car fin à folle party, cela va mettre à wallace. Mi préfère ça, ou fait prendre mon cœur. Viens nous va whiner, mi connais ou aime ça, car fin à folle party, cela va mettre à wallace. Mi préfère ça, ou fait prendre mon cœur. Corizine mana weni, wami venza elo zinao, wami venza elo digisao. Venez danser, danser, jeune demoiselle. Venez bouger, bouger, jeune demoiselle. Wamina wawe, pakan pakani. Basini souli le chanzahari. Chanzahari. Viens nous va whiner, mi connais ou aime ça. Car fin à folle party, sola va mettre à wallace. Mi préfère ça, ou fait prendre mon cœur.